Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Vajet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons donc une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler donc des courtiers en immobilier. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Acheter un bien immobilier est souvent le projet d'une vie, mais entre les taux d'intérêt, les différentes offres bancaires et les négociations, il est facile de s'y perdre. Heureusement, il existe des professionnels dont le métier est de vous simplifier la tâche. Ce sont les courtiers en prêt immobilier. Alors, que font-ils exactement? En quoi peuvent-ils vous aider? Quels sont les avantages de passer par un courtier plutôt que d'aller directement voir sa banque? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Demange, courtier en prêt immobilier pour meilleurtaux.com. Bonjour Monsieur Demange. Bonjour Monsieur Urgel. Alors ensemble, on va donc décrypter donc les rôles, le fonctionnement et vous donner donc toutes les clés pour bien choisir son financement. Mais je crois Monsieur Demange qu'on parle de courtier en prêt immobilier, mais officiellement votre profession porte un autre nom, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Notre métier, l'expression est un peu galvaudée, on nous appelle courtier, mais des courtiers il y en a dans beaucoup de secteurs d'activité. Pour ce qui est du nôtre, on parle d'IOB, c'est-à-dire intermédiaire en opération bancaire. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous un petit peu nous expliquer comment vous êtes finalement arrivé à exercer ce métier? Alors, comme beaucoup, hein, et puis comme souvent dans la vie, les choses se font à l'occasion de rencontres ou d'opportunités. Moi, je suis arrivé dans ce métier-là, qui est un métier qui est récent. Hein, le courtage en prêt immobilier, c'est pas un métier. Moi, pour vous dire, j'ai 58 ans. Mmh. Quand j'ai passé mon bac en 85 et mes diplômes en 87 et plus, ce métier n'existait pas. Tout à fait. Donc, pas de formation de courtier à la base. Mais quelques années, dans les années 97-98, j'ai eu l'occasion de rencontrer professionnellement un intermédiaire qui était déjà courtier. Et à travers le rugby, c'était une connaissance du rugby, mon fils faisait du rugby, on s'est rencontrés à cette occasion-là, je travaillais dans la formation, je l'ai fait intervenir en tant que professionnel, et puis de fil en aiguille, s'est intéressé à ce métier, et je l'ai accompagné dans l'aventure, et ça va faire 18 ans qu'on est associés comme courtiers tous les deux pour Meilleur Taux. D'accord, donc vous êtes donc associé pour la société MeilleurTaux.com. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle société? Meilleur Taux existe depuis 1999, Donc, à la base, c'est une société qui est créée sur le net par Christophe Kremer. L'idée initiale, c'était de faciliter l'accession aux prêts immobiliers par des intermédiaires sur le net. À la base, il faut bien comprendre que Meilleur Taux, c'est une start-up issue du digital, 100% digital au démarrage, mais axée uniquement, c'était une première à l'époque, pour l'accès aux prêts immobiliers. D'accord? Or ça, 99, depuis... les années 2004, ensuite le besoin s'est fait ressentir d'avoir, même avec le développement du net, d'avoir des agences de proximité, puisqu'on est en train de parler de projets de vie, de projets immobiliers, donc on n'est pas en train d'acheter des chaussures ou des jeans sur le net, donc on finance des vrais projets de vie. Donc le besoin s'est fait ressentir de la part des clients d'avoir proximité de chez eux, des spécialistes, des agences. Et dès 2005, c'est ouvert les premières agences et aujourd'hui, on va dire que 20 ans après, il y a encore 280 agences Meilleur Taux en France. France et DomTom. D'accord. Et donc, l'intensité concurrentielle est assez forte dans ce secteur et je crois que vous êtes très bien positionné. Alors aujourd'hui, Meilleur Taux sur le site internet est leader en ligne. On est leader. En nombre d'agences, on est également leader sur le marché. Après, il y a effectivement la concurrence. Ces dernières années, c'est énormément développé. Tout à fait. Vous avez raison. Alors, avec le recul, pourriez-vous donc citer votre plus beau souvenir professionnel? Alors, il y en a des beaux. Hein. Notre quotidien, notre ADN, si vous voulez, c'est de trouver les meilleures conditions de financement pour nos clients. Ça, c'est notre quotidien. Maintenant, il y a des belles rencontres, il y a des histoires qui se font. J'ai souvenir d'un petit couple jeune pour un bien sur SL et Nancy. Leur banque leur refusait le projet parce qu'ils les trouvaient un peu jeune, c'est un projet un peu prématuré, trop ambitieux pour eux, sous prétexte qu'ils voulaient acheter un bien qu'on appelle à destination à usage mixte, c'est-à-dire une partie résidence principale et l'autre partie de la maison pour faire du locatif. et leurs banques ne les ont pas suivis. Ils sont donc venus nous voir, on leur a financé leur premier projet. Quelques années après, ils ont eu envie de continuer dans l'investissement immobilier. Ils sont revenus nous voir pour un second achat, cette fois-ci à destination purement locative. Quelques années après, ils sont revenus nous voir pour un rachat de prêt, puisque les taux avaient énormément baissé. Et puis, il y a 2-3 ans, une dernière fois, pour du locatif de nouveau. Mmh. Et c'était une belle histoire, puisque au fil du temps, on a vu l'évolution de la famille. Mmh. Le premier rendez-vous, il y avait un petit Léopold, je le portais sur mes genoux lors du rendez-vous en banque. et le petit Léopold, aujourd'hui, il a pas 18 ans, mais il est plus grand que moi. Puis j'ai vu toute la famille évoluer au fil du temps. Et c'est des jeunes, grâce à l'immobilier qu'ils ont pu faire, les travaux qu'ils ont faits, parce qu'attention, ils sont énormément investis dans leurs travaux. C'est des jeunes qui, l'an dernier, sont partis faire un tour du monde grâce, entre autres, aux locatifs qu'ils avaient. Ah, oui. Et ils le disent, c'est en partie à cause de nous. Donc ça, c'est des sensations fortes, ça, voilà. Si vous voulez. Bonne satisfaction, donc l'utilité. Bonne satisfaction, et puis il y en a énormément d'autres, des belles histoires. J'ai souvenir d'une jeune dame avec une gamine d'une dizaine d'années, elle était seule. Elle était immigrée de République dominicaine, elle était en France depuis quelques années, elle avait une petite situation, elle avait un gros loyer, aucune aide, elle voulait investir dans la pierre pour éviter de dépenser de l'argent à fond perdu. Vu la période, le contexte, son projet, il était inaccessible nulle part, aucune banque lui ouvrait les portes. Et on a réussi à la financer et ça, c'est une vraie satisfaction. C'est des vraies aventures humaines et qui nous donnent tous les jours l'envie de se lever, de continuer à travailler et de faire ce fantastique métier, quoi, en fait. Hein. Très bien. Alors, revenons maintenant à notre thématique, dont justement portant sur le métier de courtier immobilier. Alors, quelle est la mission principale, justement, d'un courtier prêt immobilier? Alors, c'est avant tout d'accompagner des futurs acquéreurs dans leur projet de vie immobilier. Alors, quand on parle de projet immobilier, on pense tout de suite résidence principale, mais pas que. Hein. On finance régulièrement des résidences secondaires, des investissements locatifs dans le neuf, dans l'ancien. Mmh. Des rachats de soultes, c'est moins connu, mais les rachats de soultes, j'ai acheté avec ma conjointe, on se sépare, l'un des deux veut conserver le bien, racheter la part de l'autre. Mmh. Voilà, c'est ça tous les projets immobiliers auxquels on participe. Alors quand je dis accompagner les clients, ça va en amont du projet, c'est-à-dire les aider à préparer leur futur projet, c'est-à-dire calculer leur capacité d'emprunt au regard de leurs revenus, au regard de leurs charges, au regard des conditions d'octroi du moment pratiquées par les banques. C'est leur calculer leur capacité d'emprunt pour aider à préparer, à affiner leur futur projet et également les conseiller pour ce qui est de constituer un bon dossier recevable par les banques. Mmh. Si vous voulez. C'est ça, notre métier en amont, c'est déjà préparer le dossier du client et les aider à affiner leur budget pour les aider à affiner purement et simplement leur recherche. Et puis ensuite, par la suite, une fois qu'ils auront trouvé leur bien, alors ça peut être 3 mois, 6 mois, 3 ans après, d'accord ? Bon, entre-temps, si c'est écoulé de 3 ans, imaginez bien qu'on a réactualisé leur capacité d'emprunt. Et le jour où, effectivement, ils ont trouvé un bien, c'est là où il faut passer en phase de recherche active de financement, que les choses sérieuses commencent. Et qu'il faut constituer le dossier. Et puis, notre vrai métier de courtier, parce que tout le reste, c'est l'accompagnement, mais notre vrai métier de courtier, c'est de monter le dossier de prêt, dans le but d'aller le présenter et de représenter ce dossier-là auprès des banques, un peu comme le ferait un avocat, parce que nous, on est là pour défendre les intérêts des clients face aux banques. Et puis, en retour, les banques nous font des propositions que l'on compare, puisque le métier de courtier, c'est avant tout d'être un comparateur, et ensuite de faire jouer la concurrence dans le but d'obtenir les meilleures conditions de financement pour le client. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe justement une différence entre, pour ne pas confondre, un courtier et un conseiller bancaire? Parce que souvent, on va voir son conseiller bancaire. Ah bah assurément, on ne fait pas le même métier. Hein, pas le même métier. Assurément, on ne fait pas le même métier. Mmh. Si vous voulez, on a tous un conseiller bancaire. Et il est employé d'une banque, payé par une banque, pour défendre les intérêts de son employeur, à savoir la banque. Nous, à l'inverse, notre client, c'est le porteur de projet, qui a un projet immobilier, lui, c'est notre client, c'est lui qui nous rémunère, c'est nous qui l'accompagnons jusqu'au bout, et on fait assurément pas le même métier avec nos amis banquiers, assurément. Voilà, donc vous travaillez avec plusieurs banques, c'est ça la force de votre métier. Assurément, on travaille avec toutes les banques. Bien entendu, le conseiller financier va défendre les intérêts de de son employeur, c'est-à-dire sa banque, et parler des produits de sa banque. Mmh. L'avantage que va avoir un courtier, c'est qu'il peut effectivement solliciter toutes les banques, les meilleures banques du moment, mais également d'autres banques, parce qu'on travaille, avec toutes les banques sans exception, les banques qui ont pignon sur rue, que tout le monde connaît, les banques de réseau traditionnelles, mais également des banques d'affaires, des banques spécialisées que le grand public n'a pas forcément connaissance. Très bien. Alors, on voit bien à travers vos explications que le courtier joue un rôle clé dans l'obtention d'un financement optimisé. Mais comment se passe concrètement la collaboration avec lui? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Et on va passer maintenant à la première pause musicale, l'occasion justement de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors, monsieur Demange, quel a été votre premier choix? Louis Armstrong, peut-être. Eh bien, voilà, Louis Armstrong. Pourquoi ce choix? Vous avez une raison particulière d'aimer cette chanson? Bah parce qu'on vit une époque formidable. Eh bien, on retrouve tout de suite votre premier coup de cœur. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Voilà, vous avez reconnu donc Louis Armstrong, c'était le premier coup de cœur musical de notre invité, dont monsieur Demange Courtier, donc de l'agence Meyerto.com. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco Olivier Demange, de la société gérante de la société Meyerto.com, pour évoquer le rôle des courtiers en prêt immobilier. Alors, dans la première partie, nous avons expliqué le rôle justement du courtier dans l'obtention d'un prêt. Maintenant, nous allons un petit peu décrire le processus de travail avec un courtier. Alors, concrètement, quand on décide de passer la porte donc de votre agence, quelles sont les différentes étapes qui vont se présenter? Eh bien justement, il ne faut pas hésiter de pousser la porte chez nous. Donc, c'est prendre contact avec nous. Alors, ça peut se faire sous forme d'un premier rendez-vous téléphonique, passer l'agence. On a la chance d'avoir une superbe agence rue du Grand Rabbin à Guénoër à Nancy. Ça fait 18 ans qu'on est installé sur Nancy. Il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter parce que le démarrage de tout dossier, ça va être un premier échange. On va parler à bâton rompu, mais sans engagement de la part du client, complètement gratuit. Ces premiers rendez-vous sont toujours 100% gratuits et complètement sans engagement. Et donc l'idée, c'est dans un premier temps d'appréhender le dossier. Et puis, si les clients sont convaincus, bah, par la suite, ils nous confieront leur projet le jour où ils auront trouvé un bien à financer. D'accord ? Mais c'est surtout ne pas hésiter à prendre contact avec nous, que ce soit par mail, au téléphone ou en passant directement nous voir rue du Grand Rabbin à Guénoër à Nancy. Très bien. Alors après cette première étape donc de prise de contact, quel document doit-on préparer pour justement optimiser le dossier que vous allez présenter à de futures banques? Il n'y a pas un dossier type, il n'y a que des dossiers adaptés à la typologie des dossiers des clients. Et il y a assurément un tronc commun qui est le dossier qui inclut les revenus et les charges des clients, assurément. Mais après, selon la typologie des dossiers, on ne monte pas les mêmes dossiers pour un client particulier ou pour un client professionnel, sachant que notre type de client, c'est bien les professionnels et les particuliers. On a peut-être omis d'en parler, on pense beaucoup à nous au niveau des particuliers, mais on a également fait également du financement professionnel. En termes de pourcentage, la répartition particulier-professionnel à peu près ? Aujourd'hui, on va dire qu'on est à 90% en particulier, 10% en pro. Alors, combien de temps prend en moyenne la recherche d'un prêt pour un courtier ? Alors ça, c'est une bonne question, et puis ça dépend de quoi on parle. Une fois que le dossier il est complet, c'est-à-dire que le client nous a donné l'ensemble de ses pièces, qu'on a un dossier qui est complet, qu'on est mandaté, parce qu'on n'a pas le droit de travailler sans mandat de recherche de financement, on va dire qu'en moyenne, c'est 15 jours, si vous voulez. Il y a certains dossiers qu'on peut sortir en 10 jours, et puis il y a des dossiers un petit peu plus longs. Ça va dépendre aussi de la période, période de vacances, période estivale, période de pont, comme on connaît en ce moment, ou tout simplement par rapport à la complexité du dossier. Il y a des dossiers plus ou moins simples. Et considérer qu'à partir du moment où on a un dossier complet, 10 à 15 jours après, on revoit les clients pour leur faire part des meilleures propositions du marché. Il y a souvent, en plus, dans les... quand on signe un compromis, il y a une fameuse condition suspensive, et c'est généralement, c'est combien ? Alors généralement, une fois qu'on a signé le compromis, il y a 10 jours de rétractation, c'est ce qu'on appelle la loi SRU, puis après les conditions suspensives d'obtention de prêt, le code de consommation prévoit minimum 30 jours, donc tout ça cumulé, ça nous ramène à une quarantaine de jours, mais après rien n'empêche d'avoir des conditions suspensives supérieures, 45 jours. En moyenne en France, entre la signature du compromis et le moment où on signe l'acte chez le notaire, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Alors justement, vous essayez de négocier au plus bas les taux d'intérêt, mais est-ce que les courtiers peuvent aussi négocier d'autres conditions que les taux d'intérêt ? C'est l'assurance emprunteur, les frais de dossier ? On n'a pas la prétention chez Meilleur Taux d'apprendre aux clients que 2 en termes de taux, c'est mieux que 4. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Maintenant, effectivement, il n'y a pas que le taux qui se négocie. Le taux, ce qu'on appelle le taux d'intérêt débiteur, nominal, pardon, c'est... quelque part, ce que tout le monde connaît, toutes les banques connaissent, et d'ailleurs, les banques ont un peu tendance d'ailleurs à ne parler que de ce taux, au détriment d'autres facteurs de coût, que vont être les frais de dossier demandés par la banque, le coût de la garantie, mais également les assurances, et puis en facteur de coût, le taux c'est bien, mais il y a aussi des montages à optimiser, c'est tout ça que négocie le courtier, c'est pas uniquement le taux d'intérêt. Oui, tout à fait, on oublie souvent, vous avez raison de le dire. Bien entendu. Pensez à aller chercher des prêts employeurs, à faire profiter aux clients de prêts à taux zéro s'il en bénéficie. Le vrai métier de courtier, c'est ça. C'est surtout pas d'apprendre aux clients que 2, c'est mieux que 4, ils le savent déjà. On vient chercher une compétence professionnelle. Assurément. Voilà. Alors, une question justement qui doit vous être souvent posée, c'est j'ai déjà une offre de ma banque, est-ce que ça vaut le coup de venir voir quand même un courtier ? Venez nous voir, puis on en parle. Surtout que c'est gratuit au départ, si j'ai bien compris. Bien entendu, le premier rendez-vous, il est sans engagement, il est complètement gratuit. En plus, on est plutôt des gens sympas, on a une agence qui est plutôt sympa aussi, on offre un bon café. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir et puis qu'on compare. Parce que la proposition de sa banque, elle est bonne. Pour qui ? Pour le client ? Pour la banque ? Oui, c'est ça. Et par rapport au marché, elle est bien positionnée ou pas ? Ça, nous, on a une vision complète sur le marché. On pourra dire au client, écoutez, venez, ça n'engage à rien, venez. Le seul risque que vous prenez, c'est qu'on vous fasse perdre une demi-heure. À l'inverse, on peut vous faire gagner de l'argent. C'est ça. Mais alors justement, on parle donc de rémunération. Finalement, alors si, effectivement, à quel moment vous êtes finalement rémunéré ? Qui paie finalement le courtier ? Nous sommes rémunérés une fois que les clients seront devenus propriétaires. Si vous voulez, la réglementation est faite en France de manière à ce que les clients nous rémunèrent une fois que les fonds auront été débloqués, c'est-à-dire 2-3 jours avant d'aller signer chez le notaire. Et c'est bien souvent le notaire qui nous réglera nos honoraires, au même titre qu'il va régler les honoraires de l'agent immobilier, si agent immobilier il y a. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, les frais de notaire dans de l'ancien, on va parler de l'ancien, les frais de notaire dans l'ancien, aussi entre 7 et 8%, les frais d'agence immobilière, selon la catégorie d'agence immobilière, entre 4 et 8 à 10%, nous, nos honoraires, c'est 1,5%, du montant financé, c'est-à-dire des fonds que l'on va chercher, avec un minimum de 2900 euros. Pourquoi ? Parce que le travail, l'accompagnement sur 3 mois, tout le travail qui est fait, sera exactement le même si on va obtenir un financement de 50 000 euros ou de 500 000 euros ou 2 millions. Et donc, est-ce que c'est plus utile pour un primo-accédant de passer par votre intermédiaire ou pour des investisseurs expérimentés ? Je pense que... Les deux. Les deux. Ils n'auront pas les mêmes attentes. le primo accédant, tout est nouveau pour lui, tout lui fait peur. Oui, tout c'est est... ça. Un projet immobilier, c'est anxiogène, c'est angoissant, tout est nouveau pour lui. Il y aura un vrai travail d'accompagnement pour lui, parce que tout est nouveau. Et enfin, ça, on le vit au quotidien. Nous, on est là pour absorber, un peu comme des buvards, tout le stress que va générer le projet immobilier. Pourquoi ? Parce que il faut déménager, est-ce que je vais obtenir mon financement, mon coup de cœur pour élever les enfants, etc. Il y a les nounous, il y a tout ça à organiser, la garderie, les déménagements. C'est vraiment anxiogène, angoissant. Ça, c'est les vraies attentes du primo-accédant. Et puis les investisseurs, bah, après, ça va dépendre des investisseurs. Si c'est un premier investissement, c'est un autre métier, l'investissement. Donc, c'est une autre approche. Et puis après, il y a des investisseurs qui ont beaucoup de patrimoine, où là, ils n'ont pas forcément beaucoup le temps. Et le courtier, c'est aussi un vrai gain de temps, puisque on se charge de faire l'ensemble du dossier, l'ensemble des démarches auprès des banques. Donc, selon la typologie des dossiers, il y a toujours un intérêt, c'est pas toujours le même, mais à passer par un courtier. Donc, si je résume bien, c'est rassurer le client qui est un petit peu angoissé quand il veut donc accéder à, donc, par exemple, à la propriété ou qui veut réaliser son premier investissement, rechercher une compétence professionnelle et gagner du temps. Ben, je crois que... Et accessoirement, gagner de l'argent. Gagner de l'argent en plus, oui, parce que... Gagner de l'argent, parce que... Après, c'est un métier de négocier avec les banques, si vous voulez. Nous, on a parlé de la force de frappe, de meilleurs taux, l'ancienneté, le nombre d'agences qu'il y a en France, le nombre de volumes de dossiers que l'on fait avec les banques fait qu'on a des conditions plutôt préférentielles. Oui, et négocier ça. Avec les banques, donc c'est un gain de temps, mais aussi un gain d'argent. Et accessoirement, on offre aux clients une certaine sérénité et tranquillité dans leur projet. Alors, passons maintenant à la deuxième pause musicale. Alors, quel a été votre deuxième choix, monsieur Demange ? Eh bien, écoutez, je crois bien que c'est Florent Pagny et Kenji Girac encore. Ben, ça tombe bien, parce que c'est un de mes chanteurs préférés, Florent Pagny. On écoute tout de suite votre coup de cœur. Nous un ami sommeil, on le réveille parfois. Dans nos matins sans soleil, dans nos chemins de croix. En nous un enfant est là, et je cherche sa main, pour qu'on me ramène à moi, qu'elle est dans le chemin. Allez viens qu'on oublie le poids des années, les paris, les projets déjà dépassés. Je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi. Même dans le cœur du soldat, on a voulu jouer les grands, on s'est perdu, je crois. En nous un ami appelle, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens dans mes nuits la lampe allumée. Je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi. Allez bien qu'on rêve, allez bien, envie, je la rêve. Voilà, c'était donc Florent Pagny et Kedji Girac avec Encore. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sûr Radio Fadjet et vous écoutez l'Instant Écho pour parler donc du métier de courtier immobilier avec Olivier Demange de la société MeilleurTaux.com. Alors avant de, parce que l'émission arrive à sa fin, avant de vous laisser partir, alors quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésite encore à recourir à un courtier ? Eh ben justement, de ne pas hésiter, hein, ça n'engage à rien qu'ils viennent nous voir, on leur expliquera ce qu'on peut leur apporter. Et vous savez, la part du courtage en France, aujourd'hui c'est 50%, il y a 15 ans c'était 25%, il y a encore 50% des gens qui ne passent pas par des courtiers quand dans les pays anglo-saxons on est à des taux de 90% de part de marché. Voilà, c'est un réflexe qu'on n'a pas spontanément, on a peur d'aller chez vous, mais alors qu'on l'a dit tout à l'heure, hein. Le premier contact est gratuit. Mais faut ensuite, pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur, faut franchir la porte. Et puis ensuite, la discussion, et si vous êtes convaincu, vous ne paierez qu'une fois, effectivement, le crédit signé avec la banque. Exactement. Ah, donc, alors, il y a des courtiers indépendants, il y a des réseaux de courtage comme chez vous. Bien alors, entendu. Là, donc, je crois qu'on est libre de choisir. Moi, je pense que votre force de frappe, elle est plus importante qu'un courtier indépendant. Alors, est-ce qu'il faut privilégier un courtier indépendant ou un courtier de réseau ? Objectivement, j'aurais envie de vous dire, mais je pense que c'est... Ce n'est pas la question essentielle. Ce n'est pas une question d'indépendance ou de réseau. C'est une question de personne, de confiance. On confie son projet de vie. Or, maintenant, ce qui fait la force, effectivement, d'un courtier comme MeilleurTaux, c'est qu'on existe depuis 25 ans. Ça fait 18 ans qu'on est à Nancy, 18 ans qu'on a pignon sur rue, qu'on est des gens expérimentés et qu'effectivement, on fait énormément de volume avec les banques. La différence, elle peut être là. Après, il y a des indépendants qui font très, très bien leur travail aussi. Très bien, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes un professionnel heureux. Assurément. Vous savez, j'ai fait beaucoup de métiers, moi, dans ma vie. Hein, ouais. Mais c'est, comme j'aime le dire, c'est celui qui me fait le plus kiffer tous les jours. Ah bah, c'est parfait. Hein, et pour ceux qui voudraient exercer ce métier, alors quel est le parcours idéal à suivre ? Alors, c'est un métier qui est réglementé, imaginez bien. Hein, mmh. C'est un métier qui est réglementé où il faut avoir à minima une licence banque ou assurance. Hein. Ça, c'est au niveau diplôme, mais on peut accueillir et former des autodidactes qu'on forme. Bon, il y a des formations hein, à faire. Il faut, quoi qu'il en soit, à un moment, obtenir la capacité professionnelle. Mais ça s'adresse à des banquiers, mais pas que. On est assez friand des gens avec une formation, une expérience commerciale, parce qu'après, la technicité, elle s'acquiert, elle s'apprend. Et on a des formations, on a un très bon centre de formation. Il n'y a pas de profil type, on va dire. C'est un métier qui plaît beaucoup aux femmes. Et où les femmes sont excellentes, parce que c'est un métier où il faut beaucoup d'intuition et de psychologie. Très bien. Et donc nos amis les femmes réussissent beaucoup dans ce métier-là. Très bien. Mais bah écoutez, le temps presse. Merci en tout cas, monsieur Demange, d'avoir accepté mon invitation. Je pense que nos éditeurs, effectivement, savent désormais plus sur le métier de courtier en prêt immobilier. Un beau métier. Merci à vous, monsieur Georgel. Alors, si vous avez pris une émission en cours, donc, n'hésitez pas à nous retrouver donc, sur le site de Radio Fadjet, où vous pourrez retrouver donc, en replay bien, toutes les émissions donc, de l'Instant Écho. Et bien, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de l'Instant Écho. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.